Enfin, Céline Dion sur France Inter. Enfin, une gagnante de l'Eurovision. C'est assez jouissif de chanter du Céline Dion à tue-tête sur France Inter. C'était mon plaisir cucupraline. Maintenant, je l'assume. Bon, des fois, elle m'écœure un peu, mais quand même, j'adore chanter avec elle à tue-tête. Salut Fred, bon, Lost, j'ai fini. Dragon Ball, je suis en train. J'ai sorti ma PlayStation 2 pour jouer à GTA. Je suis en train de regarder pour acheter une NES pour jouer à Super Mario. Mais là, franchement, avec Céline Dion, tu m'as scotché. Je savais pas qu'elle était si profondément dans mon cœur. J'ai trouvé que ton émission sur Céline Dion, elle était, comme Céline Dion, un petit peu chiante, en fait. Maître Céline Dion, bravo, bravo, bravo. Mais je voudrais savoir si tu pourrais pas nous faire une émission sur les vieilles séries comme Les Envahisseurs. C'est vieux, hein, je sais. Mais moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de David Vincent. J'adorais regarder ça, je comprenais rien, mais j'aimais bien. Franchement, je veux dire quelque chose, monsieur ou madame. Quand vous entendez que de l'anglais, que de l'anglais, que de l'anglais, et boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Pourquoi il y a de tellement belles chansons? Pourquoi? Alors là, c'est bien, je bois du petit lait, parce que sincèrement, ça ressemble à quelque chose, hein? Bonjour, je suis la maman d'Armand, 2 ans et demi, et je ne suis pas du tout une fan de Céline Dion, mais j'aime beaucoup votre émission. Et du coup, mon fils vient de découvrir la voix absolument merveilleuse de Céline Dion, et il en est tout ému. Voilà, merci pour votre émission. Cette émission sur Céline Dion me fait penser à un film pas son genre, avec une jeune femme d'un milieu modeste, mais qui est ouverte, enjouée, et de l'autre côté, ce garçon donc qui est un intello, mais qui finalement est un malheureux de la vie. Voilà, Céline Dion, c'est un peu ça, c'est la joie de vivre. Alors, c'est peut-être pas très intello, mais ça fait du bien. Et s'il y a une majorité de Français qui l'aime, c'est peut-être pas par hasard. Merci pour l'émission. Alors voilà, j'ai écouté à la suite, en fait, le blockbuster sur Ghostbuster en replay, puis ensuite en direct avec Céline Dion, et j'étais en train de faire un petit mélange. Là, je me demandais si la musique de Titanic, au moment où on voit le bonhomme chamallow, ça marcherait. Et puis surtout, la musique de Ray Parker Jr. À la fin de Titanic. Vous pourrez continuer un peu comme ça, c'est sympa les crossovers. Merci, à bientôt. Not to be. J'aime pas le foot. Oui, rassurez-vous, le foot me le rend bien. Hein. Moi qui tape dans un ballon, c'est à peu près aussi cocasse qu'un panda qui tente de monter des escaliers. J'ai des gros problèmes de coordination. Pour que mes pieds fassent ce que je veux, faut que je leur parle longtemps et que je sois très convaincant. Rien que pour me mettre à faire du sport, il m'a fallu un référendum de 40 ans. Et au bout de 10 pompes, je sens que la motion de censure n'est jamais loin. Le problème quand t'es enfant et que tu n'aimes pas le foot, c'est que c'est excluant. Dans la cour de récréation, je me souviens, il y avait le groupe majoritaire de ceux qui jouent au foot et le groupe plus restreint de ceux qui préféraient parler de l'épisode de Cobra de la veille. Bien évidemment, il y avait aussi ceux qui faisaient partie des deux, hein, des gens détestables pour lesquels j'ai aujourd'hui le plus grand des mépris. Mais bon, quand bien même je ne jouais pas au foot, j'aurais pu aimer regarder les matchs, commenter les montées en Ligue 1, les descentes en Ligue 2, m'extasier sur un passement de jambe, un dribble ou un petit pont. Après tout, je cuisine mal, mais j'aime manger. Eh ben même pas. Ça m'a jamais passionné. Ma seule réaction en cas de victoire de l'équipe de France, c'est de me tenir éloigné de la civilisation et des véhicules avec des klaxons en état de marche. Alors attention, c'est pas du tout du mépris social, hein. Si les gens kiffent regarder des matchs, tant mieux. Moi je vis avec la folle ambition que des gens qui ne vivent pas comme moi puissent être heureux. C'est juste que je me suis toujours satisfait de vivre mes passions en dehors du collectif. Les comics, les mangas, les jeux vidéo. Et pourtant, vous savez quel est le jeu vidéo le plus vendu en France? Un jeu de foot qui s'appelle FIFA. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Company. And now Kevin De Bruyne. Walker now. He had the sixth sense to know what to do and win it back. Cavani with a slide rule pass. Well, body in the way. J'ai une pensée émue pour certains de nos auditeurs, car je me souviens avoir reçu un jour un message qui en substance disait ceci. « Monsieur Sigrist, sachez que dans la vie, il y a une chose que je déteste plus encore que le football, ce sont les jeux vidéo. » Eh bien voilà une émission qui va vous faire bien du plaisir à vous mon bon monsieur, une émission sur un jeu vidéo de foot. Eh oui, FIFA est le produit culturel le plus vendu en France en 2018. Alors bien sûr, on pourrait débattre pendant des heures pour savoir si le jeu vidéo est un objet culturel. Personnellement, je suis convaincu que oui, certains pensent que non. Bah voilà, fin du débat, hein. Serrons-nous la main et quittons nos beaux amis. Pendant qu'on parlait, pendant que je faisais cette intro, et bah des millions de joueurs sont lancés dans une partie de FIFA 2019, 2018 ou de PES ou n'importe quel de ces jeux qui sortent chaque année accompagnant la sortie d'un nouvel opus. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai beau jouer aux jeux vidéo depuis bientôt 30 printemps, jeux de rôle, jeux de plateforme, jeux d'aventure ou jeux de combat, je n'ai jamais joué plus de 5 minutes à un FIFA. Pourtant, à chaque fois que j'allais en boutique m'acheter le dernier God of War ou le dernier Final Fantasy, je pouvais pas passer à côté de cette file interminable de joueurs qui attendaient la dernière version du jeu dont on va parler aujourd'hui. FIFA est un phénomène à côté duquel je suis totalement passé. Heureusement, pour rattraper mon retard et essayer de comprendre ce qui en a fait un jeu si populaire au fil des années, j'ai avec moi des experts que je vais m'empresser de vous présenter. Tout d'abord, nous avons Alix Dulac. Bonjour Alix. Bonjour. Alors, si je ne m'abuse, vous êtes journaliste e-sport, alors on peut préciser ce qu'est le e-sport ? Le e-sport, c'est tout simplement les compétitions électroniques de jeux vidéo. Voilà. Vous êtes également gamer, président de la PES Family. Oui, c'est ça. On dirait un nom de groupe de rap quand même. Hein. Ouais, ben c'était le bon mood à l'époque, c'était la bonne ambiance. Ouais. Ouais. Vous êtes coach, animateur, caster. Exactement. Alors aujourd'hui, on va réduire tout ça, surtout journaliste, animateur et caster. D'accord. Ouais. Et vous officiez sur une radio concurrente, mais néanmoins très respectable. C'était RMC. RMC. Ouais, RMC. Voilà. Voilà. Alors, nous avons également à nos côtés Jean Z. J'aurais envie de dire qu'on ne le présente plus, mais en fait, si, on va quand même le faire. Oui, bonjour. Bonjour Jean Z. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, auteur de plusieurs livres sur les jeux vidéo, Art et jeux vidéo paru en 2018 aux éditions Palette, et Game, le jeu vidéo à travers le temps paru en 2017 aux éditions du Seuil. Et également, vous étiez commissaire de l'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps qui a eu lieu en 2017 à la Fondation EDF. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Voilà. Bravo. Également avec nous, Jordan Camus. Bonjour. Alors vous êtes un joueur professionnel, donc d'e-sport. Vous avez 22 ans. C'est bien ça. C'est ça, mais vous ne jouez pas en foot dans le monde réel. Non, malheureusement non. Alors vous avez gagné des compétitions, vous avez un palmarès. J'ai gagné le tournoi Coca-Cola de 2018 régional. Oui. Après il y avait les 5 finalistes, vu qu'il y avait Île-de-France, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest. Puis je me suis incliné à la grande finale, mais ouais, j'ai remporté ma région. Et j'ai fini en 2016 vice-champion de France. Bravo. Ouais, merci. Bravo. Et à nos côtés également, Quentin Da Fonseca, qui lui aussi est un joueur de FIFA, mais qui joue au foot, lui, dans la vie réelle, c'est ça ? Ouais, c'est ça, je joue en vrai depuis des années. Mais j'ai pas le niveau de Jordan à FIFA, je pense. On va parler de tout ça. Ensemble, on va décrypter le phénomène FIFA. Alors enfilez vos crampons, sortez vos joypads, on est dans Blockbuster sur France Inter et on va parler football. People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed. Alors, je me tourne vers vous, Alix Dulac. FIFA, c'est quoi exactement ? Si on devait faire un historique présenté à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, c'est-à-dire moi, ce qu'est FIFA ? Alors aujourd'hui, c'est une marque, en tout cas. Si on parle de jour aujourd'hui, FIFA, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est une marque. On ne dit plus, on va se faire un petit match de jeu vidéo, de football à la console, on se dit, on se fait un FIFA, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, FIFA est une marque aujourd'hui. Depuis, plus d'une vingtaine d'années maintenant, le jeu est ancré dans les mœurs et dans la société. C'est un jeu qui a démarré avec FIFA Coupe du Monde, FIFA 98, etc., FIFA 96 aussi à l'époque. C'est un jeu qui s'est installé, c'est aussi un jeu qui a permis aussi de révolutionner un petit peu les moteurs graphiques du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait la 3D isométrique. C'est le premier jeu de sport qu'il utilisait, c'était FIFA en l'occurrence. Donc ça a été une mini révolution à l'échelle des jeux de foot. Ce FIFA qui a installé la tradition des fameux joueurs en jaquette, les fameux stars qui nous faisaient à l'époque acheter les jeux. Je sais même pas si aujourd'hui c'est encore vrai. Faudrait voir l'impact des jeux vendus en fonction des joueurs sur les jaquettes, mais ça compte. Donc FIFA a installé ça. Et puis en face on avait un concurrent historique, un peu le PSG, l'OM du football virtuel, donc FIFA et PES. Donc FIFA a eu le monopole, PES l'a repris, l'a bien pris. Vous disiez tout à l'heure en introduction que FIFA aujourd'hui le premier bien culturel en France. PES l'a aussi également été dans le passé. Et maintenant, depuis quelques années, faut le reconnaître, FIFA a repris le lead parce que en termes de communication, en termes d'image, vous voyez des stars joue à FIFA, des célébrités stream sur du FIFA ou se montrent, s'affichent à des événements FIFA, donc c'est plus qu'un jeu aujourd'hui. C'est in, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est in d'être invité à une soirée FIFA. Petite anecdote, Valérie Damido qui n'a rien à voir, on la connaît, la présentatrice de Déco qui n'a rien à voir avec l'univers du jeu vidéo, était présente à une soirée FIFA pour vous dire à quel point c'est devenu people d'être là, quoi. C'est pour ça que je ne suis toujours pas invité. Jean Z, dans l'histoire du jeu vidéo, quelle place a le football? Moi, je me souviens de l'époque du Commodore 64. Je me souviens avoir joué à Kickoff. Oui, Kickoff, c'était bien. Et c'était très rapide. Là, c'était vu d'au-dessus. On n'était pas dans une simulation où on pouvait se croire dans un stade. Mais la vitesse, l'impact, la physique de la balle, ça a donné quand même quelques matchs incroyables. Mais avec l'arrivée de FIFA, c'est-à-dire un jeu de foot très amusant avec une pointe de simulation. Alors, c'est toujours le jeu. Il y a beaucoup de spectacles. C'est-à-dire, il y a du bruit dans les stades. Il y a des stades, il y a du bruit, il y a de la foule. Voilà, on a l'impression d'y être. D'un côté, il y a spectacle et PES, si on devait les résumer ainsi, c'est plus le côté simulation, un peu rêche. On peut faire un bon vieux 0-0 bien ennuyeux, hein. Voilà, je ne veux pas citer d'équipe, mais on peut s'ennuyer à PES, mais tout en cherchant de la stratégie, ça c'est bien. À FIFA, c'est quand même un peu compliqué. Alors, vous me demandiez si le foot avait toujours existé dans le jeu vidéo. Oui, dès la naissance du jeu vidéo, c'est-à-dire dès l'année 72, en tout cas le Big Bang économique, la première console, la Magnavox Odyssey, il y a un jeu de foot dedans. Alors, on est vu d'au-dessus, on dirait plus des pions de dames que du... Voilà, il faut beaucoup d'imagination pour se croire dans un match de foot, mais ça existe déjà. Et alors, je me souviens qu'il y avait quelque chose de rédhibitoire dans l'approche qu'on pouvait avoir avec les différents jeux de foot, c'était est-ce que le ballon collait au pied du joueur ou non? Ah en tout cas FIFA 93, FIFA 94 sorti en 93, lui oui ça collait au pied. Alors à tel point d'ailleurs que si vous preniez un rouge, vous faites une faute, si vous couriez assez vite, vous n'aviez jamais le rouge. C'est-à-dire que vous couriez, l'arbitre essayait de vous attraper, mais jamais ne vous attraper. Donc là, il n'y avait pas de fin au jeu. Donc voilà, c'était des choses assez stupides comme ça. Mais après la physique de la balle a bien changé, a beaucoup changé. Mais encore une fois là aussi c'est une question de dosage. Quelle part de spectacle, il y en a beaucoup dans FIFA, et quelle parle de simulation, c'est-à-dire si vous avez une très mauvaise équipe, vous perdez la balle tout le temps, mais c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça, on s'ennuierait devant l'écran. Alors Jordan, Quentin, juste après le CD qu'on va écouter, je vous demanderai à partir de quand vous avez découvert FIFA, si d'abord vous avez commencé sur PES, mais tout de suite on va écouter Afro Trap Champions League, interprété par MHD. L'émission est réalisée par Céline Hila, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castello ont aidé à la confection de cette émission, et à la technique aujourd'hui, Michel Bézikian. Trois moulettes, 20 panames, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon touche. Afro Trap a marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la chauffeur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros hors de mode, passe un coup de fillette, un peu frais sur que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es ma méclip. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Je suis toujours en apnée, ce bâtard je le sens pas. Tu butes à la Yuka. On se bute à la peau. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League, 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team, Paname c'est la Champions League, on baisse tout en Champions League, Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. On baisse tout en Champions League, Paname c'est la Champions League. Les gars va m'ont dit, bombardez-les. C'est PD s'approche, faut semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner, bridé, je suis fournier. Gros, à part ta lumière, tu vas rien allumer. Un jump dans la main, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est bête d'avoir les couilles vides, mais un 9 mm. Trop duc, on t'a pas duglé, lève tes bras, c'est pas le maître. Amis-toi à droite, amis-toi à gauche. tout le cas tu crois qu'il est riche. Viens ça tu par là, Gucci par là. La malade au frigo est vide, pas ta main de mon épaule si t'es pas de mon équipe. Le téléphone sonne, je peux pas rester tranquille. L'atmosphère est tendue comme un jazz à 26. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League, 9-5 c'est la Champions League. 7-7 c'est la Champions League, 7-8 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Panam c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Panam c'est la Champions League, on baisse tout en Champions League. Panam c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. On baisse tout en Champions League, Panam c'est la Champions League. Félix a putain de race. C'était MHD qui nous interprétait Afrotrap ou Afrotrap. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Quand eu era criança, sempre sonhei em tornar-me campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és campeão. Alors Jordan Camus, vous êtes un joueur de e-sport, donc c'est-à-dire un joueur professionnel de FIFA. Vous avez découvert ce jeu à quelle époque et comment ? Alors déjà j'ai découvert PES, j'ai commencé sur PES avec mon grand frère. Alors l'année, je suis en 97, donc peut-être les premiers PES. Ensuite je suis passé sur FIFA, au FIFA 11. C'est mon grand frère un jour qui est rentré et qui était censé partir chercher... PES et qui est revenu avec FIFA, donc j'ai pas trop eu le choix, sachant que j'étais le plus petit, je me suis adapté et voilà maintenant où j'en suis. Et est-ce qu'au début c'était une relation genre lui avait besoin d'un sparring partner, d'un partenaire pour jouer et à qui mettre des tôles et il a obligé le petit frère à jouer, ou c'est vraiment le petit frère qui s'est imposé, qui s'est emparé du pad et qui s'est mis à jouer? Non, il jouait souvent avec ses amis, moi j'essayais de venir gratter une petite place. Bon, au départ il faisait semblant qu'il branchait la manette, sauf qu'elle était par terre, mais... Non, au fur et à mesure, je voulais jouer contre lui, puis j'ai commencé à le battre de plus en plus, puis voilà, ensuite je me suis entraîné, il a grandi, après lui il a arrêté, moi j'ai continué. Alors, une question que les auditeurs se posent peut-être, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'aimer le foot en vrai pour forcément adhérer au foot virtuel et vice-versa? Alors pour commencer, je dirais peut-être, enfin... Ça paraît logique. Après, je connais une personne, par exemple, qui joue à FIFA, qui est très bon, pas à niveau professionnel, mais qui s'intéresse quasiment pas au foot. Mais 99% des gens qui jouent à FIFA, surtout au niveau professionnel, c'est des gens très passionnés du foot. Et alors, Quentin da Fonseca, vous avez découvert comment FIFA ? Ou vous avez aussi peut-être commencé avec PES ? J'ai commencé avec PES, moi aussi. Je me rappelle pas trop non plus le numéro. Ça doit être le 4 ou le 5, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas eu de grand frère pour m'initier, donc en fait, c'est mes parents, je leur disais, achetez-moi un jeu de foot, ils achetaient le premier qui venait. C'est sûr que si vous le demandiez comme ça, moi aussi, j'aurais acheté. Ouais, voilà, c'est le premier qui vient, donc on est petit, on sait pas trop. Et voilà, après, je devais acheter la PS3 à l'époque. Et en fait, c'était FIFA qui était offert avec. En fait, ça a été quelque chose qui a été imposé en quelque sorte. Mais au final, en fait, c'est même plus imposé comme quelque chose qu'on nous impose réellement. En fait, c'était un choix. Parce qu'au final, je sais pas, dans PES, je sais qu'on devait tirer, mais en fait, ça tire complètement au hasard, en fait. Alors que là, sur FIFA, on avait différents styles de frappes, on appuyait sur une touche, ça enroulait la balle, etc., etc. Et au final, le jeu, il s'est révélé mille fois meilleur que PES, et au fil des années, il aurait passé devant. Et alors, Jordan nous disait qu'il jouait avec son frère, avec des amis. Est-ce que vous aussi, au bout d'un moment, ça a été l'occasion de se réunir à plusieurs, comme ça, pour faire des soirées de gamers? On a déjà fait des soirées, enfin ça n'a jamais été prévu en gros. On se réunissait entre potes, on disait ouais, venez on fait un FIFA, mais ça n'a jamais été ouais, venez on va chez moi, on va faire un FIFA ou quoi. C'est toujours, c'est un peu à l'improviste en quelque sorte. Après, je joue pas trop souvent avec mes potes. Ils sont meilleurs que moi, donc j'évite. en même temps, c'est la voix du cœur, hein, il faut le dire. Moi aussi, je joue pas, ouais, au jeu de combat, je joue pas avec d'autres personnes quand je sais qu'ils peuvent me battre. Et alors, Alix, vous avez découvert FIFA, PES, à quel moment? Est-ce que c'était vraiment lié à des potes ou? Oui, finalement, c'est toujours l'histoire, hein. C'est lié à des, soit c'est lié à la famille, soit c'est les amis, de toute façon. Donc, généralement, en tout cas. Hein. Par contre, juste pour rebondir, faut jouer contre des gens plus forts que soi pour progresser après le combat. Oh, ça va. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais je me suis permis. Mais au départ, j'ai découvert FIFA, quoi. FIFA 98, Coupe du Monde 98, c'était des références. Enfin, on ne pouvait pas passer à côté. C'était le jeu du moment. Puis un jour, mon cousin, merci à lui, et si, lorsqu'il entendra l'émission, il me remerciera de lui faire la petite dédicace, mais il m'a dit, attends, faut que tu laisses FIFA, là, il y a un jeu avec des passes en profondeur, un jeu plus profond, c'est tactique, tu verras, c'est peut-être moins beau, mais c'est super sympa, c'est, laisse tomber. Alors à l'époque, c'était pas PES, c'était ISS. Il me dit, voilà, passe là-dessus, tu vas voir, tu vas te régaler. Et je prends le jeu en main, j'arrive pas, je fais 10 matchs, je perds tous. Je dis, mais c'est quoi ton jeu, il est trop dur, c'est nul, enfin le mauvais perdant à mort, quoi. Et puis finalement, au fur et à mesure que je jouais, j'ai commencé à prendre énormément de plaisir, quoi. Et du coup, PES s'est imposé vraiment naturellement. Et je profite, parce que je rebondis sur ce que disait Quentin, bah, lorsque la PS3 est arrivée, il y a eu un vrai problème. Parce que PES était vraiment imposé sur la PS2, c'était le jeu de la PS2. La PS2 représentait déjà un coût pour les joueurs. La PS3 est arrivée avec ce qu'elle proposait, les multimédia, etc. Elle était quand même assez chère. Et je rappelle aux auditeurs que c'est des consoles. Hein. Voilà. C'est le système d'exploitation sur lequel on passe où on joue avec ces jeux. Voilà, c'est ça. Et c'était assez cher. Donc du coup, le problème, c'est que les jeunes qui jouent à PES n'avaient pas forcément l'argent pour se dire, je vais acheter une PS3 pour une jouer à ce jeu-là. En plus, il n'était pas imposé. S'il n'y avait pas de pack PlayStation 3 avec PES. Et il s'avère que ce PES-là, malheureusement, était l'un des plus horribles de l'histoire. Faut le dire, elle était assez globalement techniquement ratée. Ce qui a encore plus convaincu les joueurs de se dire, soit je reste sur PS2, soit si je prends la PS3, je passe sur FIFA. Et au fur et à mesure, 2-3 ans après, la migration s'est faite avec FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12. Et là, l'écart. Donc en fait, cette transition de PES à FIFA, c'est faite quasiment sur un jeu. Alors, c'est pas globalement sur un jeu, c'est surtout sur une génération de consoles. C'est-à-dire que le moteur de la PS3, la façon dont le jeu a été développé, vous pouvez pas vous rater, en fait. Quand vous êtes le leader, et c'était le cas de PS, quand vous êtes le leader, vous avez pas hâte de vous rater. Une nouvelle console, c'est un nouveau tournant, un nouveau virage. Vous voulez chercher de nouveaux consommateurs. Là, faut dire ce qui est, ce jeu-là a été globalement très en dessous de ce qui est, au niveau de la production, de la réalisation, de ce qui a été fait dans l'histoire de PES. Et du coup, derrière, ils ont dû ramer pour aller chercher, les gens qui étaient là. Vous regardez, je pense que Jordan vous le dira, même Quentin, mais vous regardez un petit peu la population des joueurs sur les deux jeux. Ils ont d'abord joué à FIFA. Ils sont ensuite passés sur PES. Ils sont restés très longtemps fidèles à PES, hein. Puis il y a eu un jeu, deux jeux pas très bien réussis. En face, vous avez eu une grosse campagne de communication, un bon jeu, peut-être pas forcément plus simulation, mais en tout cas, comme le disaient les gens, beaucoup plus spectaculaire, agréable à regarder. La migration s'est faite comme ça. Sané. De Bruyne. Verratti. Lo Celso. Edinson Cavani now. Alors je rappelle que vous pouvez tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour. Il y a quelque chose d'un petit peu punitif dans FIFA, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est vachement bien FIFA, mais j'étais nul ». Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, Jean Z? C'est quand même une école de l'humilité, hein, ça, voilà, voire de l'humiliation. J'ai un ami, moi, il ne joue qu'à ça, il achète FIFA chaque année. Et puis il joue pendant quelques jours, il humilie tous les jeunes qui arrivent, tous les jeunes joueurs. Donc il y a ce qu'on appelle une tradition dans le jeu vidéo qui s'appelle le rage quit. Bon, ça ne touche pas que les jeux de football, hein. On est tellement énervé, on balance la console, on joue en ligne, hein, donc on coupe Internet, on hurle à la maison tranquille toutes les insultes que l'on connaît, et puis peut-être une heure ou deux après, on s'y remet. Voilà. Donc lui, son but, c'est de faire rage quitter les autres joueurs, donc ça peut être un but dans la vie. Mais effectivement, c'est une école de l'humiliation, surtout en ligne, parce que contre la machine, on commence à apprendre, etc. Mais contre de vrais humains, c'est généralement assez impardonnable. Dès que le niveau est un peu supérieur, enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes voisins, voilà, c'est assez dur, quoi. Voilà, c'est difficile. Et même à haut niveau, j'imagine. Et alors, est-ce que c'est vraiment une simulation de football ou est-ce que, avec le temps, c'est pas devenu une simulation du phénomène football? Parce que, moi, j'ai vu le dernier FIFA, on peut régler ses angles de caméra, il y a les commentaires, les personnages sont de mieux en mieux modélisés, on est vraiment assez proche, on est plus proche d'une représentation télévisuelle du football avec page de pub, etc., que d'un vrai match si jamais on y était. Bah, si on était sur le terrain. À une époque, c'était vraiment une simulation. Ça se rapprochait grandement d'une simulation. Maintenant, faut dire les choses telles qu'elles le sont, on est plus proche, comme vous disiez, d'une simulation du show football. C'est-à-dire avec même lorsqu'il y a des buts, les petits ralentis, la façon de les amener. Vous avez, comme le jeu est lié désormais à la Première Ligue et à la Liga, vous avez le réhabillage des compétitions. Comme vous le voyez à la télévision, il y a l'ambiance, donc l'ambiance dans le stade, etc. Les commentaires qui sont pas toujours appréciés des joueurs, les commentaires parce qu'ils sont parfois un petit peu incohérents avec ce qui se passe dans l'action. Mais globalement, ça amène une part de réalisme. Mais c'est vrai que par contre, quand vous disséquez un petit peu le jeu, vous jouez pas mal d'heures. Vous voyez des choses qui sont assez... C'est très spectaculaire, voilà. C'est très emballant, ça donne très envie, mais si on parle vraiment purement de tactique et de simulation, on n'est pas sur une simulation à 100%. Oui, donc on est vraiment plus sur le phénomène... Et ça n'a pas toujours été le cas, hein, par contre, hein, je précise. Hein. Sur FIFA, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, c'était très, très, très simulé. Là, ces dernières années, il y a un petit... En fait, ça change tout... Le jeu change tous les ans. Donc, il y a une année, il va être un peu plus simulation, une année, il va être un peu plus arcade, comme on dit. Parce que arcade, c'est le côté vraiment spectaculaire. Simu, c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Ça dépend des ans. Voilà, ça dépend vraiment des années. Et est-ce que c'est une demande des joueurs, ou est-ce que c'est plutôt les éditeurs, ou le monde du football, qui a mis son grain de sel là-dedans, et qui a décidé d'en faire quelque chose plus proche du spectacle que de la simulation sportive? Je pense que c'est Jordan. Uniquement de l'éditeur, enfin... Je sais qu'on a eu, par exemple, le FIFA 15 et FIFA 16 qui étaient, voilà, on va dire, un peu show football. Puis on est tombé sur un FIFA 17 quasiment parfait, à part quelques détails, mais qui a plu en moyenne à la plupart des joueurs, même des joueurs professionnels. Et puis on est retourné dans les travers de l'éditeur avec le FIFA 18 et FIFA 19, qui sont certainement les pires jeux... jamais fait en termes de réalité football. Et quand vous dites travers, c'est quoi pour vous un élément rédhibitoire dans un jeu FIFA? Des choses qui sont réalisables en vrai, on va dire. C'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas faire en vrai, je vois pas ce que ça va faire sur un jeu de football. Voilà. Du type, tirer du milieu du terrain, marquer un but. Du type, faire un geste technique pour lever la balle avant de centrer. Il y a un joueur d'1m60 qui va mettre une tête au-dessus de la barre. Au-dessus d'un joueur qui mesure 2 mètres, on va dire. C'est-à-dire que la physique et l'aérodynamique d'Olivier Thom, par exemple, ça vous plaît pas? Ouais, sur FIFA 19, par exemple, c'est le cas, en tout cas. Oui, je comprends. Alors, je l'ai dit en début d'émission, je suis entouré par des experts, mais est-ce que ce sont de vrais experts ou des gens qui font très bien semblant? C'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser 3 questions extrêmement pointues concernant football et jeux vidéo. Saurez-vous y répondre? Dans Olivier Thom, justement, Freddy Great pointu, hein. Le nom de famille du héros, c'est Olivier et Thom, Olivier Hatton ou Olivier Giroud? Hatton. Ah, trop jeune pour savoir. Trop jeune. Ah, ça y est, là, le vieux. Ah, le coup de vieux. Le rage quit. Je rage quit la vie. J'avais vraiment pas plus de 10 ans à ce moment-là. Donc, oui. Oh, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Et oui, c'était effectivement Olivier Hatton. Donc, bonne réponse de Jean Z et également d'Alix. Question suivante. Quand on joue à FIFA et que quelqu'un vous demande d'arrêter sa demande est nulle et non avenue car il ou elle est hors jeu, vous cherchez un point de sauvegarde ou vous jouez les prolongations? On fait sûrement pas entendre. Hein, parce que là, J'ai pas bien compris la question. C'est terrible. Non, c'est vrai, j'étais en train de me dire, il cherche la réponse. On cherchait surtout à comprendre la question. Voilà. Alors, je répète, si quelqu'un vous demande d'arrêter, hein, imaginez, vous êtes en train de jouer. Arrêtez la partie. Voilà, vous entendez une voix, arrête de jouer. Est-ce que vous dites, je l'entends pas, elle est hors jeu? Ah, ok. Est-ce que vous vous dites, je cherche un point de sauvegarde, c'est mon excuse qui marche pour tout, même quand je joue pas, et ou vous vous dites, on joue les prolongations? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si c'est en ligne, je continue. J'arrête pas, en tout cas, c'est sûr. Moi, si je joue les prolongations. Si je prends 4-0, j'arrête. Ah, j'arrête, désolé. Si c'est en ligne, et que le match est encore de l'enjeu, je suis pas. Même à 4-0 pas. Même à 4-0, je continue. Ça dépend. S'il y a 4-0 au bout de 30 minutes pour l'adversaire, je me dis que j'ai encore une heure pour me refaire dans le match. Donc c'est bon. Le mec reste optimiste jusqu'au bout. Ouais, mais bon, 8-0, ouais, ça se rattrape. Non, mais ça arrive. Moi, disons que mes proches savent qu'il ne faut pas m'arrêter en plein match. D'accord, donc on est d'accord. On a des vrais gamers. Tout le monde joue les prolongations. Dernière question. Lorsque Neymar se blesse dans FIFA, il fait 2 roulades, 6 roulades, ou il fait bugger la machine, les concepteurs n'ayant pas encore modélisé la rotation perpétuelle. Franchement, comme tous les joueurs, je crois qu'il fait 2 roulades maximum. Hein. C'est tout. Hein. Et encore une. Mais c'est vrai qu'il tombe un peu plus souvent que certains joueurs, vu que la stat physique compte également. Donc un Neymar tombera plus qu'un, par exemple, Cristiano Ronaldo, beaucoup plus grand et costaud, on va dire. Donc ça, c'est pris en compte dans le jeu FIFA. Ah oui, tout est pris en compte. D'accord. Mais pas le nombre de roulades, par contre. Pas encore. Peut-être sur le prochain, mais là, ça peut se faire. Eh ben, écoutez, moi, je crois effectivement, on a affaire à des experts. Hein. Donc on a gagné une chanson pour se récompenser. On écoute tout de suite 10 mois d'Aurel San. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, il me pousse à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser. Donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin. Je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'était 10 mois d'Aurel San dans Blockbuster sur France Inter. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. L'un des premiers gros coups réussis par le Toronto FC sur le marché des transferts, c'était l'arrivée de Giovinco, hein, Pierre. Ouais, en général, les grands joueurs viennent finir leur carrière en MLS, mais là, le mec, il a quitté la Juve en pleine force de l'âge. Le challenge sportif qui devait être intéressant. Le challenge sportif, puis il a triplé son salaire. Hein. Ah, ça doit être ça. Alors, Jean-Z, j'ai une question. À quelle époque exactement FIFA a pu avoir accès à des vraies licences, à des vrais joueurs? Parce que il faut le répéter, la particularité de FIFA, c'est que ce sont les joueurs qu'on peut retrouver sur le terrain lors d'une compétition, quelle qu'elle soit. Assez vite, en fait. Hein. D'ailleurs, le l'éditeur a eu le nez creux puisqu'il a acheté il a acheté FIFA, il a acheté le droit d'utiliser le mot FIFA. On n'arrête pas de dire FIFA, mais FIFA c'est pas un jeu vidéo, hein. C'est une fédération de foot. Hein. Faut quand même, à la base c'est quand même ça. Et il croyait pas du tout au projet en 93, donc ils le sortent en disant bon ça va faire un flop, nous on croit plus au foot américain. Hein. Aux États-Unis tout le monde s'en fiche. Ils pensaient vendre 300 000 exemplaires sur toute la carrière du jeu. Ils en vendent 500 000 en un mois, donc bon là bref c'est la fête. Et très vite, je crois que c'est même des FIFA 96, 2-3 ans après, on commence déjà à voir les équipes, des clubs, on avait jusque-là des équipes nationales, France, Italie, etc., et des joueurs et des noms de joueurs qui commencent à s'installer. Mais on va dire, le foot business, le foot game business va naître véritablement en 98. Là, on commence à avoir des joueurs sur la couverture, effectivement, et puis le fameux Song 2 de Blur dans FIFA 98, etc., etc. Là, on commence réellement à voir le foot business au milieu d'une simulation de foot version jeu vidéo. Et ce qui m'a absolument effaré, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs pros, donc les joueurs qui sont sur le terrain, jouent également à FIFA et ont un droit de regard et sont assez souvent contrariés par la représentation virtuelle qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que il est pas rare que des joueurs appellent l'éditeur Electronic Arts en disant mais là vous m'avez sous-coté, je suis beaucoup plus rapide que ça en vrai. Bah, ça arrivait l'an dernier, oui, avec Benjamin Mendy. Jordan ? Il y a Benjamin Mendy, ouais. Ouais, Benjamin Mendy qui avait lâché un petit tweet en disant qu'il comprenait pas trop sa note dans FIFA, parce que à noter que tous les joueurs, selon leur niveau dans le vrai foot, on va dire, bah, ils sont notés en fonction de leur niveau, justement, dans le jeu. Donc, par exemple, un Cristiano Ronaldo qui a 94 de général, donc c'est sur 100. Et je sais pas moi, Hiroki Sakai qui joue à l'OM, on en parlait tout à l'heure, qui est à 75, voilà. Donc voilà, il s'était entre guillemets plaint un peu de ça, mais c'était drôle. Et alors comment est calculé le niveau? Parce que c'est quand même des algorithmes. Quand un jeu vidéo fonctionne pas comme le réel, c'est-à-dire qu'un joueur peut s'entraîner, peut avoir une saison, évoluer dans une saison, se blesser. Comment on arrive à encadrer le niveau définitif d'un joueur sur une console? On juge plutôt son potentiel déjà. En majeure partie, ça va être son potentiel. Après. Aujourd'hui, il y a tellement de stats poussées autour du foot. On parle de FUTPS, on pourrait parler de Football Manager également, qui est un jeu avec des stats très poussées. Il y a tellement de choses, tellement d'outils pour pouvoir étudier et noter les joueurs. Alors, Electronic Arts sont ceux qui, en tout cas, font le plus de buzz, parce que les joueurs jouent le jeu, c'est un phénomène de société. Avec un jeu comme NBA 2K, on a le cas. Aussi en NBA, bah, on a le cas en Europe avec FIFA, où les joueurs réagissent à leurs notes, interagissent avec. Mendy c'était plein, il y a Michy Batshuayi aussi qui s'était plein à l'époque en faisant une vidéo en disant « Regardez, c'est un scandale, je cours plus vite que ça », etc. Mais surtout, là où Electronic Arts s'en sort très bien avec FIFA, c'est que les notes sont évolutives. C'est-à-dire qu'en fonction de la performance du joueur le week-end, hop, la semaine suivante, je crois que c'est le mercredi, si je dis pas de bêtises, bah, le mercredi, il y a une mise à jour qui se fait, et la note du joueur est elle est augmentée, ou elle est baissée en fonction de sa performance du week-end. Donc en fait, on va terminer là-dessus, mais en fait, FIFA, c'est une sorte de bulletin de notes en live des compétences d'un joueur pro. On peut dire ça comme ça. Et ça marche très bien. Alors on l'a évoqué en début d'émission, il y a une édition annuelle de FIFA, et c'est un euphémisme, elles n'ont pas toutes eu le même succès auprès des joueurs. Voici la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais il n'y a même pas faute, mais wesh. C'est un délire ce jeu. Globalement, il faut bien avouer que ce duo, Hervé Matou, Pierre Ménès, nous donne absolument les commentaires les plus moisis qu'on ait vu dans un jeu de foot, mais alors vraiment de tous les temps. Vous voyez ce jeu-là, FIFA 18. Tout le monde l'a critiqué l'année dernière. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Si vous aimez pas un jeu, pourquoi vous allez vous casser la tête à mettre encore l'année suivante 70€? Bon, peut-être 50€ sur certaines boutiques, ça dépend. Non, mais comment? Mais c'est pas possible de prendre des buts comme ça! Le mec, il a une meilleure frappe que mon buteur, c'est n'importe quoi! Trop assisté, le FIFA aussi, ça m'énerve un peu. Les frappes, c'est n'importe quoi. Avec Rabiot, je mets des buts du milieu, enfin pas du milieu de terrain, mais en dehors de la surface des réparations. Je vais péter un câble, je vais péter un plomb. Comment peut y avoir péno sur ça? Mais sérieux! Il me dégoûte ce jeu. Certes, il y a certains joueurs qui sont très connus, on les reconnaît, c'est pas le problème, c'est juste que c'est moche. Oh mais c'est pas possible, il veut pas que je gagne ce jeu quoi. Moi, FIFA, je l'achèterai pas cette année personnellement, je boycotte. Il y a absolument aucune inertie dans ce FIFA 19, tous les joueurs sont les mêmes, donc fatalement tous les matchs aussi. Et donc après une demi-journée de jeu, on en a déjà fait le tour en fait, c'est ça le problème. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors Quentin, on a entendu énormément de joueurs exprimer leur mécontentement par rapport à certains aspects du jeu. Une fois c'est le commentaire, une fois c'est le gameplay. Comment vous expliquez que Electronic Arts arrive à revendre finalement un jeu qui est juste un tout petit peu amélioré, mais qui n'a pas fondamentalement changé chaque année ? Alors déjà, pour les commentateurs, ça fait des années qu'ils sont nuls. Cette année, c'est qu'il faut qu'il les change. Parce que déjà, Hervé Matou et Pierre Ménès, Hervé Matou, je ne l'ai jamais connu moi personnellement commenter un match. À part le Canal Football Club qui présente, je ne l'ai jamais vu commenter un match. Et en plus, ouais, des fois, ils font des trucs bizarres. Je sais pas. L'année dernière, il avait son délire de crier là. Où il criait les noms des joueurs, on ne sait pas pourquoi. Ouais, on tirait du milieu de terrain, il criait. On comprenait pourquoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'on rachète FIFA parce que c'est. Je sais pas, c'est comme en fait c'est comme notre copine en fait. On se dit ouais peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va. Ah ouais, la comparaison. Ouais, la comparaison est forte, mais moi je me dis à chaque fois chaque année je me dis peut-être qu'il sera meilleur. Allez c'est pas grave, on retente le coup. J'espère que ta copine t'entend pas là. Non mais elle sait que je changerai pas, mais on se dit ouais elle se trouve il sera mieux. J'ai acheté FIFA 19, j'avais pas lu les critiques etc. Sinon on l'aurait jamais acheté. Personne l'aurait acheté. Parce qu'au final, comme il disait, t'as un mec d'un mètre cinquante, t'as le plus grand défenseur de FIFA, il y a 100 buts. Je me dis, mais pour, comment il a fait ? Tu regardes le ralenti, le mec qui saute de 15 mètres, tu te dis, mais c'est pas possible. Après, je pense, pour revenir à la question, c'est surtout au niveau de la com qui sont très très forts avant la sortie du jeu. Il y a des événements, tous les influenceurs qui sont même rémunérés pour faire de la pub sur le jeu qui va sortir, toutes les nouveautés que ce jeu va apporter, et tous les professionnels qui l'achètent, tout. Donc, vu que c'est un phénomène de société, tout le monde veut être à jour. Et... Enfin, les professionnels ne l'achètent pas, ils le reçoivent gratuitement et ça leur permet. Alors, je dis professionnel, c'est la Jet Set. Hein. Oui, c'est-à-dire c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux, ceux qui ont une grosse communauté. Même certains testeurs. Non, mais c'est intéressant. Donc, oui, c'est plus logique déjà. Logique. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de petit billet qui dit pas son nom, qui est glissé sous la porte. Il serait bien de... Alors oui et non. Alors attention, non, c'est parce que la sphère est beaucoup plus large que simplement les journalistes testeurs qui vont tester le jeu et qui vont dire voilà ce que vaut FIFA 19 par exemple. Non, là on va l'envoyer à des acteurs, on va l'envoyer à des animateurs télé mais qui n'ont rien à voir avec ni le jeu vidéo ni le journalisme de près ou de loin. Enfin voilà. Et donc du coup, eux vont parler du jeu à côté. D'accord. Ou les enfants. Enfin bref, voilà. Et donc je tiens à préciser que Electronic Arts n'a absolument pas financé les études de mes enfants pour que je parle de FIFA aujourd'hui. C'est vraiment juste, je parle du phénomène. C'est le moment d'avouer. Voilà, c'est vraiment, le moment. Et vous verrez qu'après, vous ne me verrez jamais en ligne en train de jouer à FIFA ou tout ça. Mais par contre, il y a des joueurs de foot qui reçoivent le jeu dans une version spécifique, des joueurs de Ligue 1, donc ils font de la com. Ils ont des meilleures stats. Non, ouais, ils ont leurs joueurs pour le mode fut. Là, exactement. Avec leur 99, le mec il est imbattable, quoi, donc ça a rien. 20 minutes to go. The tackle completely mistimed, and you would expect a booking under the circumstances. C'est Maxime Lopez. Not too fussy in clearing. It will be a Paris Saint-Germain free kick. On parlait effectivement de la manière dont l'éditeur vendait très très bien FIFA. Mais ce qui m'a marqué aussi en préparant cette émission, c'est de voir qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent avec Electronic Arts pour récolter des données dans des centres de préparation de jeunes joueurs pour dire voilà ce joueur par exemple il risque de devenir intéressant et tout ça. Donc en fait il y a vraiment aussi une base de données énorme pour les clubs officiels en analysant les pratiques de jeu autour de FIFA. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez. C'est qu'aujourd'hui il y a tellement de moyens, enfin aujourd'hui FIFA c'est dans la tête de beaucoup, c'est le jeu du foot. Voilà, tout simplement. Donc le jeu du foot, ça va se baser sur les mêmes moyens que le football pour aller récupérer des données. Il y a des, ce qu'on appelle des scouts, il y a des bénévoles qui vont être là, qui vont être en centre de formation, qui vont aller au match, faire des évaluations sur des joueurs pour permettre ensuite de lister les notes, comme disait Quentin tout à l'heure. Elles sont listées sur 100, donc qui va permettre en fait d'avoir Jordan, pardon, qui va permettre derrière d'avoir une moyenne, une appréciation à peu près précise précise de la valeur du joueur. Donc c'est quelque chose qui est en crise dans les mœurs aujourd'hui. Il y a un vrai travail au niveau de la collecte d'infos autour de FIFA. Après, les joueurs peuvent se plaindre, mais globalement, quand le jeu sort, vous regardez les moyennes de notes des joueurs, il y a toujours un ou deux scandales. À l'échelle mondiale, c'est normal, il faut que ça reste un jeu vidéo avec des erreurs. Mais globalement, c'est assez précis. Mais quand même, quand on fait un résumé, donc pour vendre le jeu, il y a quand même une pratique, on distribue le jeu à certains acteurs influents qui vont en parler de manière dithyrambique, ou pour les données, on les récolte comme ça auprès des joueurs bénévoles un peu partout sur la planète. Il y a quand même quelque chose de la position de dominant, de trust, qui est très très forte dans ce jeu. Et puis on enlève des choses. C'est ça la force de FIFA, c'est que on arrive à vous vendre tous les ans. Ils l'ont très bien dit tous les deux. C'est-à-dire qu'au niveau de la com, faut regarder les pubs qui est autour de FIFA, juste les pubs internet, les trailers juste avant. Je parle même pas des influenceurs de la vidéo, juste ce que fait EA en termes de communication, c'est fort. Réunir Messi, Ronaldo ou Neymar sur la même pub, faut se rappeler des pubs Nike à l'époque. Lorsqu'ils réunissaient des grandes stars, on était là devant notre écran, on attendait ça comme un événement. Une pub FIFA, c'est quasiment le même impact pour le public aujourd'hui. Ça a de la gueule, faut dire ce qui est. Ça, vous êtes scotché au fond de votre fauteuil, vous disant waouh, là j'ai vu un vrai truc. Donc déjà, vous avez déjà envie d'acheter le jeu, tout en sachant que le président vous l'avez détesté, il se peut. Mais vous avez quand même envie de vous dire, je vais donner une chance au produit. Puis il y a toute la com autour. On vous propose une nouvelle frappe, le mode de jeu va évoluer, il y a des modifications dans le jeu même spécifique qui font que le joueur est forcément attiré. Tous les ans on a le même débat de se dire attendez, FIFA 70€, c'est une grosse mise à jour du précédent, pourquoi mettre autant? On met autant parce qu'il y a 2-3 petits changements qui, pour le joueur lambda qui va se lancer sur FIFA, va se dire franchement ça vaut pas le coup, mais les habitués qui sont là autour de nous vont se dire bah ouais, mais moi je parle même pas d'e-sport, hein, juste de joueurs habituels, va se dire bah là je suis obligé d'y aller quoi. L'obligé, c'est un événement. Très bien, alors on va faire une petite pause, là on va écouter I Think de Tyler the Creator dans Blockbuster sur France Inter. On se retrouve après. I think I'm falling in love. This time C'était Tyler Creator, I Think, et tout de suite, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on joue avec un auditeur qui s'appelle Jean-Pierre Nacri. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour à tous. Bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Bonjour. Vous. Mais vous habitez où? À Reims. Il fait quel temps là? Bah, il fait pas beau. C'est humide, c'est pluvieux, donc du coup on joue à FIFA. Voilà. D'accord, ok, ok. Bon, bah alors, c'est très bien, c'est une bonne occupation. Exactement, exactement. Alors, je vais vous poser trois questions, Jean-Pierre. Tout à fait. Alors, il faudra répondre en 25 secondes chrono. Plusieurs D'accord. bonnes réponses sont possibles. Et si vous ne pouvez pas répondre ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker, où vous avez le droit d'être aidé par un des invités. Vous choisissez et lui, par contre, il n'aura que 10 secondes pour répondre. D'accord, pas hein de soucis. Mais peut-être que vous n'aurez pas besoin d'eux. Alors, on y va. On verra. C'est parti. C'est parti. Le nombre 17 millions en 2018, c'est réponse A, le nombre d'exemplaires de FIFA 18 vendus dans le monde. Réponse B, c'est environ le nombre de buts marqués par tous les joueurs réunis sur FIFA 18. Ou réponse C, c'est environ le nombre de matchs disputés par tous les joueurs réunis sur FIFA 18. Moi, je dis c'est la réponse A. Environ le nombre d'exemplaires de FIFA 18 vendus dans le monde. Exactement. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah, dommage. Voulez-vous utiliser le joker? Bah, allez, le joker, alors. Alors, lequel choisissez-vous? Alix. Alors, Alix. Très bien, je vais essayer d'être à la hauteur. Quelle pression. Le nombre 193 millions en 2018, c'est réponse A, le nombre de clubs créés dans le mode Ultimate Team de FIFA 18. Réponse B, le nombre de joueurs qui se sont affrontés lors des compétitions organisées par FIFA 18 et FIFA Online. Ou C, c'est environ le nombre d'installations de l'application FIFA Mobile sur smartphone et tablette. Franchement, j'hésite entre deux, je vais dire... Allez, la B. Le nombre de joueurs qui se sont affrontés lors des compétitions organisées par FIFA 18, eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ça s'arrêtait là. Ah, c'est ça. Eh oui, non, c'est la C. C'est le nombre d'installations de l'application FIFA Mobile sur smartphone et tablette. Désolé, Jean-Pierre. C'est pas grave. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas. Jean-Pierre, qui était Marc Aubanel? Réponse A, un des développeurs de FIFA qui a donné son nom à l'attaquant de l'équipe de France. Réponse B, mon beau-frère. Ou réponse C, le joueur présent sur la jaquette de FIFA 98 en France. Moi, je dirais réponse B. Mon beau-frère? Ouais. C'est vraiment ça, votre réponse? Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Bon, bah, du coup, on n'a plus droit à un joker. Donc là, pour l'instant, on a une comptabilité de zéro. De zéro. Une dernière chance. Alors, dernière question. À quel FIFA est reliée cette musique? Réponse, FIFA 98. Je le connais bien, celui-là c'est la musique de Blur, c'est on va dire le FIFA 2004. FIFA 2004? Ouais. Alors en plus, Jean-Pierre, je crois que j'avais même donné la réponse. Hein. J'ai vraiment voulu vous aider. Hein. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse. Eh ben non. C'était bien FIFA 98. C'était 98. Mais oui. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on n'est quand même pas des chiens galeux à Blockbuster. Et vous avez quand même gagné le jeu FIFA 2020 qui vous sera... FIFA 2020, oui, c'est magnifique. Voilà. Alors logiquement, c'est un partenariat avec Electronic Arts, donc on devrait vous le faire parvenir. Et si c'est pas le cas, bah, vous nous envoyez un petit mail et on trouvera autre chose. D'accord? Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas. Et puis merci pour votre émission. Ben, merci à vous, Jean-Pierre. À très vite. Allez, au plaisir. Au revoir. Bonne émission. Au revoir. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir. Alors du coup, là je parlais de FIFA 2020 qui s'annonce pour l'année prochaine. D'après vous, vers quoi va aller le prochain opus de FIFA, Alix? Déjà, il y a des petites choses qui ont fuité il y a pas très longtemps de ça. On sait que l'équipe de développement a été quand même plus ou moins à l'écoute de ce que les joueurs ont dit, parce qu'il y a énormément eu de critiques sur ce 19, comme on l'a vu également énormément sur le 18. Donc les nouvelles consoles sont pas prévues pour la rentrée prochaine, plutôt pour l'année d'après. Donc on sait qu'il y aura pas un changement de moteur graphique sur FIFA, ça va être des choses, ce qu'on appelle la jouabilité, vraiment au moment où vous prenez la manette en main, ce qui va se passer à l'écran, il va y avoir des modifications au niveau des buts, au niveau de la physique de balle, au niveau de l'animation. Je pense que Jordan pourra très bien en parler, Quentin également, s'ils ont un petit peu suivi ces infos. Mais vraiment, c'est le côté, on va à mort vraiment suivre ce qu'ont réclamé les joueurs de manière à les satisfaire. Parce que énormément, faut savoir que FIFA se vend, bon, le jeu se vend, mais aussi le fameux mode Ultimate Team permet de créer son équipe où les joueurs dépensent énormément d'argent. Quand votre manne financière vient des joueurs et que ces joueurs, des consommateurs se plaignent, bah faut les satisfaire. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous autour de la table, Alex Zulac, Jean Z, Jordan Camus et Quentin Da Fonseca. Je vous souhaite de bonnes parties endiablées sur FIFA ou sur d'autres choses. Je rappelle que vous pouvez tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message sur le sujet du jour au 01 56 40 30 20. Bon, vous connaissez désormais le numéro, 01 56 40 30 20, ou sur le Facebook de l'émission si vous êtes plutôt de génération Y à travailler comme ça sur les réseaux sociaux. Et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. La fin de ce match amical avec une équipe qui a été quand même convaincante. Et demain, on va parler de vers de terre géants, du commerce des épices, on va parler de dunes.